Hello, this is Jace Hall, and you're listening to Wow Take You. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 13e épisode des Otaku. Alors cette fois, je suis tout seul avec JP. Hein. Ça va JP ? Ça va, dur. À l'heure où on enregistre, mais ça va. Ouais, c'est un peu tard. On pouvait pas le faire avant parce qu'en fait, on s'est fait un peu lâcher par Ludo et puis Amandine. Mais bon, on a décidé de les remplacer. Et je crois qu'on a recruté 2-3 personnes là sur le net comme ça. Ils viennent d'un site, c'est quoi JP là? Je sais pas, ça s'appelle WOMP, enfin WOMP Persistant. C'est un truc bizarre en fait, mais bon. Ah, WOMP Persistant, ça me dit quelque chose. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je suis pas tout seul. Hein. On a l'honneur de recevoir ce soir un autre site de fans qui est WOMP Persistant et qui est l'équipe qui est presque au complet. Ouais. Voilà, bah salut tout le monde. Ouais. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal de monde. Je vais lister en gros. Donc vous êtes 6. Je vous laisse présenter ce qu'est mon persistant section WoW. Moi, brièvement, je suis Edonis. Donc je suis l'admin un petit peu du site, le papa de tout le monde. Ensuite, il y a Nekomanta. Donc c'est pas trop dans l'ordre, mais c'est celui qui s'occupe du Murloc Insider, avec Falk et Siras qui sont aussi là sur Skype avec nous, sur ce Otaku, je devrais dire. Et il y a aussi Milka et Aderwen qui sont des rédacteurs aussi. Donc on est venu en force. Voilà. Ouais, je vois ça. On est un petit peu en sous-nombre, JP, il va falloir pas qu'on se laisse faire. Pour une fois, hein. Ah, vous inquiétez. On vous laisse présenter le site WOMP Persistant lui-même, ce que vous faites, ce que vous apportez à la communauté. Notre force, c'est pas trop les... On essaye de d'être un peu sur tous les fronts. Moi je suis là depuis un an donc sur WOMP Persistant et on fait surtout des articles sur un peu tout, donc tout ce qui touche WoW en général. Hein. Donc venez sur le site voir d'abord. Je fais ma pub, mais on fait des bons articles. En règle générale, c'est notre point fort de la rédaction d'articles, de gros dossiers même des fois. Il y a plein de choses vraiment sympas. Je vous invite à aller voir. Donc on fait là il y a Milka. Alors je pense au guide qu'il a fait pour ICC. Même si on a été un petit peu à la bourre sur le coup, mais l'intention était là. Et je pense que pour Cataclysme, on essaiera vraiment de faire des choses en avance pour une fois. On est quand même relativement présent sur Cataclysme plus que par exemple pour les guides ICC, etc. où on a été un peu à la bourre. Donc on a préparé pas mal de choses. On continue à être actif à ce niveau-là. C'est vrai que on est quand même relativement nombreux parce que on est quand même une quinzaine. Hein. Y a pas on est que des bénévoles donc parce qu'avant Monde Persistant était un site d'une boîte privée hein, et donc maintenant on est que des bénévoles. On est chapeauté par une association qui s'appelle Monde Online, etc. Donc un gros portail avec plein de fansites différents hein. On a aussi Ion, Guild Wars, etc. hein, qui sont des gros morceaux aussi et avec qui on a d'excellentes relations. Bon, il faut ça reste des jeux hein. C'est intéressant, non, mais c'est intéressant de voir autre chose aussi des fois que vous. Et puis, on aime bien se tirer la bourre sur qui est le premier en termes de visiteurs. C'est gentil, hein, c'est pas des. Voilà. Ouais, c'est de la concurrence saine, quoi. Voilà, c'est de la. Après, en termes de rédacteurs, ouais, on est une quinzaine, donc, mais ça va être un peu de tout. Hein. Donc, il va y avoir des spécialistes, des familiers, ce genre de choses. C'est vrai que j'aimerais que ça soit un petit peu plus actif sur le site. Quoi qu'il arrive, faudrait toujours que ça soit mieux. Je pense que c'est faut aussi savoir un petit peu, se satisfaire entre guillemets de ce qu'on a. Et puis ça marche plutôt quand même pas mal parce qu'on a on a de plus en plus de visiteurs et c'est ce qu'il faut voir, quoi. Pour l'histoire, enfin, d'après justement ce que j'ai compris, avant, Monde Persistant, comme tu as dit, c'était donc, comme tu dis, une boîte privée. Donc visiblement, ouais. Vous avez quand même fait, entre guillemets, la renaissance de Monde Persistant. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que bon, bah, Rome se fait pas en un jour, hein, donc c'est clair que c'est un peu dur, mais visiblement, justement, voilà, vous êtes quand même une sacrée équipe. J'ai pu croiser justement du monde quand je suis allé à la Comic-Con. Moi, je trouve que c'est bien, c'est vrai que c'est pas facile, visiblement, parce que vous faites aussi pas mal dans ce qui est les news, ce genre de choses, d'après ce que j'ai pu voir, et c'est vrai que bon, bah, vous avez, entre guillemets, un concurrent de taille qui est Joe Kim, et c'est pas facile de... On va pas dire concurrencer, mais de se faire une place dans ce genre de choses. Mais oui, visiblement, ça monte gentiment. Vous êtes sur pas mal de fronts, comme tu as dit, ça on a pu voir. On verra après aussi. Puis ben, je pense que vous êtes l'équipe de WoW, puisqu'on parle de WoW, bien entendu. Mmh. Et puis ben, tu vas nous présenter ta petite équipe va se présenter. Donc ben, on va commencer par Nekomanta, qui est un petit peu le papa de du Murloc Insider. Oui, donc enchanté. Alors, Nekomanta, donc réalisateur et présentateur du Murloc Insider, donc nouveau podcast vidéo qui traite de l'actualité de World of Warcraft en général. Donc voilà, donc je news de temps en temps sur le site, mais c'est vraiment rare parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour newser, mais je m'occupe sûrement de persistant de tout ce qui est vidéo, donc interview. Test de jeu et le Murloc Insider pour OMP. Voilà, donc je vais introduire le co-présentateur du Murloc Insider, donc Siras. Salut tout le monde, moi c'est Siras et comme Nicolas dit, je suis le co-présentateur du Murloc Insider. Alors moi je suis un peu nouveau dans l'équipe, hein, je débute aussi sur WoW, je suis à peine level 23, je crois. Je suis même en 5 épisodes, t'es que level 23. C'est clair. Même moi qui ai l'air un peu, je suis plus rapide. Arrêtez de chambrer le pauvre. Non, mais il trouve pas la sortie de Stormwind en fait, c'est pour ça. Donc bon, quand même pas. Ça, c'est sûr que EP en tuant des rares. C'est... Puisqu'on en est au Murloc Insider. Donc c'est un peu test vidéo, ça s'était pas encore fait sur WoW d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Et les contenus c'est à peu près quoi, puisqu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore le Murloc. Alors le contenu, disons que c'est donc surtout de la news hein, sur World of Warcraft. Donc on essaye de faire un peu un condensé, donc c'est-à-dire qu'on s'étend pas vraiment sur les news. On dit donc c'est déjà une émission bimensuelle, hein, ça j'aurais dû commencer par ça. Donc on traite grosso modo de ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines. Et donc le principe c'est de dire donc ce qui s'est passé sur les deux dernières semaines, donc donner les news, mais approximativement. C'est-à-dire qu'on explique ce qui s'est passé, mais on rentre pas dans le détail. Si les personnes veulent avoir vraiment le détail de telle ou telle news, on donne les liens en fait sous la vidéo et ils vont voir donc les news directement sur Monde Persistant. Mais le but c'est vraiment de faire une émission courte, donc grosso modo c'est 15-20 minutes et voilà, essayer d'avoir un petit peu un rythme que ce soit plus marrant à regarder que vraiment instructif comme à 20h ou voilà quoi. C'est une espèce de résumé vidéo des news qu'on trouvera sur le site quoi. Ouais, et voilà. Ça permet aussi de présenter les interviews que Neko principalement fait quand il se déplace. Oui, c'est vrai que j'ai pu baser, c'est Neko justement que j'ai pu voir lors de la BlizzCon, j'allais dire, de la Comic-Con. C'est vrai que t'es un peu le reporter avec ton chapeau, mais c'est bien, c'est l'avantage. Avec notamment un concours de Murloc. De Creed assez, Murloc, oui. Assez mythique quand même. D'ailleurs, j'étais un peu mort de rire devant mon PC. Ouais. Maintenant, parce qu'on a quand même d'autres personnes à présenter, hein, on va continuer un petit peu. Aderwen, vas-y. Ouais, bonjour Aderwen, donc newser hein, sur le site hein, Monde Persistant. Hein, mon rôle, hein, ça consiste à fouiller partout pour essayer de trouver, dénicher les news le plus tôt possible pour prévenir tout le monde. Tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans le monde de WoW. D'accord. Et du coup, Milka, c'est bien, on a tous les profils. Milka qui est plus donc un rédacteur d'articles. Dans le PVEHL. Voilà, donc je m'occupe de rédiger un petit peu les strats d'instance et de raid. Puis bon, à l'occasion, je fais un petit peu d'image aussi, un petit peu et un petit peu tout ce qui passe. D'accord. Donc toi, c'est exclusivement pour le HL en fait. Voilà. C'est-à-dire les news HL, tout ouais, ça. Il a aussi participé avec nous au Passaren, par exemple. D'accord. Donc voilà, enfin, je veux dire, enfin, c'est pas parce que quelqu'un fait du PV, enfin, est spécialisé dans le PV HL qu'on va pas essayer de s'intéresser à autre chose non plus. Ah bah, il faut se diversifier. C'est pas cloisonné, quoi. Voilà, c'est vrai que ben la communauté n'est vraiment pas forcément composée que de hardcore gamers, hein, on l'a vu. Il y a pas mal aussi de casu, de gens qui sont plus intéressés par la communauté, donc c'est vrai, c'est bien de se diversifier. Et donc, il reste Falk. Okay. J'ai pris la parole un peu avant sans me présenter, c'est vrai. Voilà. Donc, Falk, moi je fais à peine partie de l'équipe OMP en fait, je suis surtout caméraman pour le Marlock Insider. D'accord, alors c'est toi qui fais les blagues bidons en fait. Voilà, les blagues bidons de fin d'émission. C'est... Alors, c'est connu. C'est ouais, un peu débile en fond là. Tu veux nous en faire une? Non, parce que là j'en ai pas sous la main en fait. Ah. Oh là là, faut que ça se passe. Allez, voyons. Ouais, on va toutes les noter et puis on fera une espèce de grand bêtisier où il y aura toutes les vannes les plus nulles. Oh bah, toutes les vannes, tu veux dire. Voilà, bon. Ouais. C'est que le son est. Bon, le son n'est pas génial. Si jamais on s'excuse auprès des auditeurs, c'est difficile. On a vraiment une grosse conversation Skype, donc bien entendu, ben, le son n'est pas forcément tip-top. Mais ça va encore, ça tient. La connexion n'a pas encore pété. Donc ben, maintenant que tout le monde s'est présenté, ben, on va déjà premièrement inviter les gens à aller sur OMP, au monde persistant, parce que ben, c'est un site qui est bien, c'est une très bonne alternative, voire plus qu'une alternative aux autres sites qui peuvent être Judge Heap, bien que on va pas cracher dessus, hein, mais c'est vrai que c'est un bon site, et le fait qu'il soit, comme ils disent, sur tous les fronts, c'est un avantage, parce que ben gars, on peut en allant sur un seul site trouver un peu tout ce qu'on peut chercher qui a attrait à vous. JP, qu'est-ce que toi tu pourrais dire sur OMP, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, le Murloc Insider, premier coup, j'ai adoré. Franchement, je sais pas. C'est bizarre parce que d'habitude, je suis pas comme ça. Je suis pas d'habitude, je suis plus réservé sur les débuts de podcast. Mais là, je dois dire, j'étais assez étonné de la qualité pour un premier podcast. J'ai regardé le premier, le deuxième. J'ai pas eu le temps de regarder le 3, 4 et 5. Donc, je vais faire ça sûrement juste après l'épisode, après l'enregistrement. Rattraper un peu le temps perdu, puis voir les blagues pourries de Falk. Hein, on verra ça. Mais ouais, sinon, moi personnellement, je regarde plutôt OMP pour ouais, effectivement, le Murloc Insiders, pour des articles plus de fond que des news en fait. Parce que bon, on va pas se mentir, le nec plus ultra, le maître incontesté de la news sur O, c'est quand même Judge Heap, enfin en tout cas au monde francophone. Bon, en même quoi. Temps, c'est un peu devenu son taf, hein. C'est... Ouais, c'est son taf aussi. Voilà. Mais OMP, franchement, que ça soit OMP ou monde persistant, en règle générale, j'aime bien ça. Oui, c'est un bon regroupement, tout, que ce soit Evoline MP, Dofus MP, Guild Wars MP, enfin, voilà, c'est. Ça fait un sacré boulot quand même, hein, parce que traiter de plusieurs ouais. jeux, de tout ce qui a trait au jeu. Et bah, en tout cas, voilà, WMP, c'est le site qui a redémarré, en fait, qui est revenu sur la scène entre les morts, officielle. Ouais. Et bah, on espère franchement, et je pense qu'on peut que penser que ça va se produire. On vous souhaite franchement que ça fonctionne. De mieux en mieux, on invite franchement les gens à aller faire un tour là-bas. Vous avez quand même la qualité d'être fan site aussi. C'est un gros plus et c'est bien, ça prouve quand même quelque chose. Et puis ben, on espère aussi pouvoir avoir des choses comme le Passaren de nouveau, à pouvoir partager au niveau des fan sites en général. Ce serait sympa à l'avenir. On espère déjà la BlizzCon, voir je crois Edonis et Madame qui viennent à la oui. BlizzCon, c'est ça? Oui, d'accord. Et Ambrani. Voilà, ben, ça va être génial. Et voilà, je pense que ben, quelqu'un a encore quelque chose ou une information à donner par rapport à OMP. Ben, qu'il faut suivre parce qu'il y a plein de choses qui vont changer, je pense. Enfin, notamment une nouvelle plateforme, mais bon, ça fait déjà 6 mois que je le dis, mais l'année prochaine plus. Mais donc, enfin, ça va bouger et puis il y a plein de gens et j'ai encore recruté encore 2 personnes là. Donc suivez-nous, supportez les rédacteurs qui font un boulot de folie sur certains articles qui sont juste énormes. Enfin, il y en a quelques-uns qui sont en cours de préparation. Donc ben, suivez-nous, venez de temps en temps. J'ai un petit truc aussi, c'est essayer de faire vivre un minimum le forum. Parce que le forum de WMP, c'est un peu la mort, quoi. À part, ouais, c'est un peu le seul point négatif de monde persistant, enfin, de monde persistant en règle générale. Ce qu'on peut y retirer par rapport à le concurrent direct, c'est Jeunelaine. C'est la vie qu'il y a sur les forums. C'est un peu ce qui est un peu dommage. Mis à part ça, que du bon. Ouais, bah les forums, c'est vite fait. Moi, comme on disait, on en a encore même parlé il y a pas longtemps. Nous, pareil, hein, au début, le forum, c'est très dur d'avoir un forum qui tourne. Une fois que le forum a démarré, De l'arrêter. Voilà, on a des serial posters, ça part tout seul, des grosses discussions et on n'arrive même plus à tout lire. Donc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de pas arriver à lire tous les posts. Et on va envoyer un peu de notre communauté chez vous, là. C'est pas qu'on, non pas qu'on en a marre, hein, il faut qu'il reste aussi chez nous, attention, hein, mais pour dire que voilà, c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un lien avec la communauté, avec les gens qui nous offrent quand même des infos, qui font du boulot gratuitement, et c'est toujours l'échange, quoi, ça favorise l'échange. J'ai juste entendu qu'Edonis avait fait une après, je sais pas ce que vous faites entre vous pour vous payer, les paiements d'adresse, c'est pas notre problème. Hein. On a déjà essayé avec Amandine, mais c'est un peu dur quand même. Vu ce que tu viens de nous dire, ça promet. Soit IRL au monde personnel, ça promet. Oui, ah, bah en parlant d'IRL. Niveau IRL. De ce côté-là Niveau IRL, si, il y a quelque chose qui est en préparation. Bon, non. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr encore. Mais on est en train de réfléchir avec l'équipe du Murloc Insider pour tourner un Murloc Insider justement à la sortie de Kata. Donc, bon, je pense que ce sera sur les Champs-Elysées, tout ça, quoi. Donc. Voilà, donc bon bah pour l'instant on attend la date de sortie, on attend de contacter les gens concernés et tout ça, mais bon, s'il y a moyen de le faire, on le fera, c'est sûr. D'accord, bah super. Bon bah on va arrêter avec les présentations et tout ça, et bah on va aborder les news pour le Otaku, et si vous avez quelque chose à dire ou quoi, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, donc on entre dans la deuxième partie de ce Otaku numéro 13. Après les présentations de WMP, on a Siras et AD qui sont partis, puisque bah, ils avaient mieux à faire que rester avec nous. Ouais, on leur en veut pas, c'est pas grave. Hein. Et on a quand même encore 4 qui sont restés avec nous pour participer aux news. Et donc voilà, on se lance tout de suite dans les news avec une première news sur WoW en général. Pour ce Otaku, on va laisser pour une fois parler nos invités. Alors, on va arrêter de blablater, parce qu'on n'a pas... Moi, ça fait un moment que je ne suis pas connecté. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que sont les news par rapport aux derniers événements en jeu, en fait. Parce qu'il y a eu les. Il y a fait des moissons, le jour des pirates, l'Octoberfest. L'Octoberfest. Bah, c'est ça, hein, oui, c'est ça en relation, c'est vrai. Qui a participé, qui a fait les events de ces fêtes-là, la fête des brasseurs, par exemple, ou du jour des pirates? Oh, bah, moi, j'ai fait les deux ce week-end. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'y faire, JP et moi. Alors, bon, on va commencer par la fête des pirates, donc qui s'est tenue dimanche. Donc, c'était le. Donc, c'était le 19 septembre, donc jour des pirates. Alors, c'est une fête qui se déroule à Bélubutin. Et donc en gros, bah, il s'est pas passé grand chose en fait, hein, c'était juste pour avoir un buffet. Oui, voilà. C'était juste au-dessus de l'auberge à Baie du Butin où il fallait parler à un PNJ. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une histoire de rentrer dans un équipage ou un truc comme ça. J'ai pas vraiment suivi le background, je suis désolé. Et donc en fait, voilà, ça, faut juste aller parler au PNJ et ça donne un super buffet. Bon, personnellement, moi j'en ai profité pour monter ma réputation avec les pirates de la voile sanglante, comme ça c'est fait. Donc maintenant je suis l'amiral de la voile sanglante. Ah, et tu as le super costume de pirate. Super chapeau, surtout oui, le super chapeau. Ouais, bon, qui fait office de costume, puisque bon, on reconnaît les gens qui sont. Je crois justement, je me suis connecté et j'ai vu plein de pirates, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, parce que dans toutes les capitales, en fait, il y avait des émissaires pirates qui proposaient gentiment de nous transformer en pirates pour la journée. Donc c'était ça. Ça, c'est drôle, ouais. Plein de pirates. Voilà, voilà. Alors ensuite, il y a la fête des brasseurs qui se déroule en ce moment. Ouais, alors la fête des brasseurs, donc ça se déroule là sur toute cette semaine. C'est une fête, c'est la célèbre Oktoberfest hein, qui se déroule en Allemagne, donc mais là ça se déroule dans World of Warcraft, donc c'est la fête des brasseurs. Alors c'est un événement donc, qui se déroule du côté de Forge Fer, donc juste en face de l'entrée. où tous les brasseurs d'Azeroth se réunissent et vendent leur bière ou la font déguster gratuitement. Donc il y a plein de quêtes à faire, d'événements super sympas, il y a des courses de béliers. Il y a alors toutes les demi-heures en fait, il y a des nains, c'est quoi les nains? Ah, les nains en métal là, je me rappelle plus leur nom. Sombres fers. Voilà, les sombres fers hein, qui débarquent et qui essayent de voler la bière. Alors en fait, ça c'est un event génial. En gros, il faut récupérer une bière sur une table et en gros, on utilise la bière, donc on la boit et on jette le godet sur les sombres fers. Et en général, il y en a 200 ou 300 qui pop en 5 ou 10 minutes. Et donc le but, bah, c'est de leur balancer des godets sur la tronche jusqu'à ce qu'ils en aient un et qu'ils barrent, quoi. Le problème, c'est que les godets, il faut les boire avant de les jeter. Donc, bah voilà. En gros, on protège les fûts de bière au détriment de notre santé mentale, je dirais. C'est un très bon style de combat. Ça, je suis fan, je suis. Ah, oui, non. Il devrait faire une instance, bientôt, je viens un peu comme ça. Voilà. C'est pas fou, ça pourrait être super marrant. Oui, j'avoue, franchement, une instance juste comme ça, ou en tout cas un event d'instance, moi je suis pour gros plus simple. PVP comme ça aussi, sinon c'est pas mal. PVP à coup de godet. Pour donner envie aux gens d'y aller aussi, il y a le bélier et le codo à récupérer à BRD aussi. C'est, voilà, ouais. Donc en fait, il y a le truc où on peut donc se faire TP à BRD pour un event dans la... Ouais, donc je disais, il y a le donjon aléatoire aussi, donc événementiel. Je crois que ça se passe à... là où il y avait Onyxia avant, Mont-Roche-Noir. En gros, c'est nous TP à Mont-Roche-Noir. C'est le petit Black Rock au Mont-Roche-Noir, c'est là où il y avait Nefarian qui y est toujours pour l'instant. Nefarian, voilà, désolé. On se fait TP au Mont-Roche-Noir. On doit tuer un boss qui loot des trucs assez sympas. Et chaque jour, en fait, sur le donjon aléatoire, il y a un tonneau. Qu'on loot en fait à chaque fin d'instance, et ça donne en général des tokens pour la fête des brasseurs et parfois du loot aussi, ça dépend de la chance qu'on a en fait. Donc, je crois qu'il y a une chope de bière, non, la chope de navre bière à choper, non, le boc, ouais, chaque année, j'imagine. Ouais, le sous-boc ou un truc comme ça, je non sais le boc plus. Le boc en fait c'est la quête d'introduction en fait de la fête de la bière. Voilà, ouais. C'est-à-dire que à l'entrée, il y a un PNJ qui nous souhaite la bienvenue, tout ça, et en gros, faut juste aller parler à l'autre PNJ qui donne tous les objets d'event, et voilà, donc, pour nous souhaiter la bienvenue, il nous offre le boc. Il y a ce boc là qui permet juste de boire de la bière en cliquant sur les tonneaux dans l'enceinte de la fête, mais dans l'event d'instance, il y a un item, un boc. Qui, je sais plus qui, oui. Je crois, fait popper un PNJ quelconque qui balance des shops sur vos ennemis, un truc comme ça. C'est très marrant à utiliser d'ailleurs. C'est sympa ça, ouais. Il y a aussi le charme de Navrebière qui fait pop une vierge bierrière qui va soigner mincement, ça fait pas des gros heals, mais qui soigne le raid. Oui, d'accord, ok. Bah, c'est pas mal, franchement. Bon, ça reste un bon event, un event bon enfant. Oui, mais au-delà de ces items complètement kikou, on va dire, il me semble qu'il y a deux ou trois trucs qui sont plutôt pas mal. Comme ça fait longtemps que j'ai plus fait cet event, mais la dernière fois que je l'ai fait, il y avait un truc qui balançait genre 50 tendus. Je parle, c'était l'époque de BC, ça. D'accord. Et c'était un des meilleurs buffs tendus du moment, quoi. Les items sont assez bas, c'est pas c'est du level 200, donc c'est du niveau Max Ramas, par là. C'est pas mal pour commencer un début de staff. Très bien, bah maintenant on va passer, je pense que les news WoW elles-mêmes, il y a pas mal de news, on va pas toutes les traiter parce qu'on a beaucoup de news à traiter sur Cataclysm, parce qu'il y a pas mal de trucs qui ont été annoncés dernièrement, puisque comme vous l'avez vu, ça se rapproche à grands pas. Je pense qu'on peut compter en semaines maintenant, même si on, sur le doigt d'une main, je pense que les semaines vont commencer à tenir avant Cataclysm. Je m'avance pas trop là-dessus quand même. Et on va passer donc sur une news qui va faire plaisir à certains, peut-être moins à d'autres, mais bon, on va dire... Je pense que ce sera plus intéressant grâce à ça, c'est la difficulté dans Cataclysm qui va être revue à la hausse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, Blizzard se sont rendus compte que dans Lich King, dans l'extension Wrath of the Lich King, la plupart des raids ou instances étaient trop faciles en fait par rapport aux compétences et à la puissance des joueurs eux-mêmes. Vous l'avez bien vu si vous avez fait à peu près toutes les instances héroïques et les premiers raids de Cataclysme, de Wrath of the Lich King, que suffisait pour beaucoup d'instances de prendre les packs, de faire des AoE dans le tas et de faire les bourrins niveau DPS, à part pour certains boss, et la plupart du temps ça passait. Et ben ça, ils en ont, enfin c'est pas qu'ils en ont marre, mais qu'ils se sont rendu compte que ça a enlevé un petit peu de goût au jeu. Donc les donjons héroïques et les raids de Wrath of the Lich King ont été plus simples que Blizzard le souhaitait, comme Ghostcrawler le dit sur un des posts bleus, et que les raisons multiples comme le coût de mana des compétences, les talents mieux réalisés, l'apport important de glyphes, des sorts d'effets de masse performants pour la majorité des classes, les buffs de raid ou encore plus d'outils de survie. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus d'apports à notre puissance en raid, avec les buffs, les machins, les techniques supplémentaires. Et dans Cataclysme, ils souhaitent rendre les soigneurs plus équilibrés et avec des rôles bien plus différents, c'est-à-dire peut-être plus différenciés entre les monocibles, les multicibles, les gros soigneurs et les soigneurs sur la durée, etc. Enfin, c'est déjà que fait, les soigneurs ça, techniquement. Oui et non. En tout cas, non, sur les talents, c'est fait, c'est juste que c'est mal équilibré, quoi, parce que quand tu regardes... Normalement, au niveau des compétences, les distinctions sont déjà faites. Surtout, c'est juste que ils sont mal pris au niveau des équilibrages avec la mana, quoi. C'est juste ça. C'est une histoire, bah, c'est une histoire d'équilibrage mana et DPS, enfin au niveau des soins, quoi. C'est juste ça. Enfin. Ouais, mais par rapport en fait au changement qu'ils veulent apporter, d'après ce qu'on a pu voir déjà avant, comme on en parlait, c'est que les boss et même les joueurs auront beaucoup plus de vie, qui descendra plus lentement certes, mais qui sera plus difficile à remonter. Et pour peut-être arrêter de différencier que un paladin à l'heure actuelle, il peut pas faire du multi-cible plus que 2-3 cibles. Parce qu'après ça devient beaucoup plus dur parce qu'il doit caster. Et en fait, bah ça, ils veulent un petit peu peut-être donner au paladin une chance de pouvoir, il ait plus de cibles de choisir, je pense. Alors que avant, bah c'était plutôt les prêtres et les druides spiresto qui faisaient un peu le soin de masse de manière très facile. Je sais pas encore trop pour les chamans. Il y aura pas de restriction au niveau des modes héroïques pour les donjons de cataclysme en dehors du niveau du personnage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le niveau, quel que soit votre stuff, quel que soit vos, il y a pas d'accès, vous pourrez aller dans le donjon, c'est-à-dire que ben, si vous souhaitez avoir du challenge, vous allez dans les donjons pour lesquels vous avez à peine le level pour rentrer, et comme ça vous aurez, mais par contre là vous aurez vraiment du mal, ce sera vraiment du niveau de BRD quand on y allait au tout début par exemple. J'ai pu tester un petit peu, ça deviendra un petit peu plus difficile. Donc il y a ça, je pense qu'aussi il y a une difficulté générale liée aux mobs et aux zones, c'est-à-dire qu'on pourra pas, moi j'ai essayé hein, pour rigoler, je suis allé faire le kikou dans les hautes terres du crépuscule par exemple, j'ai pas fait mon malin, je me suis fait un petit peu trichot par les mobs, et pourtant j'avais du stuff avec de l'armure et plein de points de vie. Ça aussi, ben, ce sera un petit peu pour équilibrer l'avance, pour éviter à des joueurs de sauter les zones, sauter certaines parties du jeu. Je pense qu'aussi ils vont faire comme dans Wrath of the Lich King, qui vont beaucoup plus instancier certaines zones. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous un petit peu chez Monde Persistant? Si vous êtes allé un peu sur la bêta, je pense. Ouais, moi j'ai trouvé entre les zones, il y a des gros paliers quoi. Enfin entre Vachir ou, enfin moi j'ai fait mon malin pareil que toi. J'ai voulu aller rapidement au tréfonds juste après Vachir et je me suis rendu compte que ben les mobs non, ils étaient 83 et moi 82. Ben il faisait, y avait un gros gap quoi entre les mobs qu'il y a à Vachir et ceux du Tréfonds, c'est énorme quoi. Et après pareil, quand j'ai été à Uldum, c'est pareil, ils tapent, c'est des monstres quoi. Donc y a vraiment des différences entre le 80 et le 85 qui est, enfin ça vaut pas peut-être pas les 10 niveaux qu'on avait pour OTLK, mais c'est impressionnant quand même hein. Donc oui. En fait, ouais, justement, je pense le fait qu'il n'y ait pas, je vais juste ça, mais c'est vrai que, en fait, comme ils ont dit, c'est peut-être pas équivalent exactement à 10 niveaux, mais ça l'est presque. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même deux fois plus de différence entre chaque niveau à peu près. C'est ce qu'ils avaient dit à la BlizzCon, à la présentation de Cataclysme. Ils avaient dit normalement, techniquement, au niveau du temps de leveling, ça revient aux 10 niveaux qu'on a eu à Wrath of the Lich King, quoi. Ouais, mais ça c'est au niveau du temps de leveling. Après la difficulté c'est autre chose, parce que le temps de leveling tu le fais avec des points, les points d'XP, hein, point. Mais là non, c'est vraiment que ils ont vraiment rendu plus difficile. Et j'ai vu même entre le tout début de la bêta et les mises à jour récentes, certains mobs sont devenus même encore plus durs. Ouais, et puis enfin il y a des trucs chiants où on est bumpé, on est stun, on va pas se plaindre. Voilà. Non. Bah, les mobs ont plus de capacité, oui, visiblement. Et ça, c'est ce qui est pas plus mal, parce qu'au final, jusqu'à, Wrath of the Lich King, surtout, ça revenait beaucoup à, comme tu l'as dit tout à l'heure, balancer de la haut dans le tas et puis, continuer, quoi. Ah, ouais, c'était méchant. Effectivement. Là, c'est vraiment, on fait les quêtes, en réfléchissant un petit peu si on peut les faire ou pas, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est tout pour cette news. Je pense que ça parle d'elle-même, par rapport au fait, simplement, ce sera pas tout à fait pareil, ce sera un peu plus dur et c'est, à mon avis, pour le mieux. Donc, ensuite, on passe à une autre news. Après, c'est toi, JP, qui fera les news. Oui, je la fasse la prochaine. Si tu veux. Donc, si tu veux. D'après ce que nous a mis les deux sur le Google Doc, donc les conditions et les prix du vol dans les Royaumes de l'Est et Kalimdor, donc vu que c'est la nouvelle, c'est une des features de cette extension. Donc il faudra être niveau 60 et s'acquitter de 250 pièces d'or. Et d'après ce que m'a dit Denis en off, il y a possibilité de passer au 310%, c'est ça, en vol. Oui, c'est sur la bêta. Hein, donc Ouais, sur la bêta. Bon, après on verra ça. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est assez pour un niveau 60, 250 pièces d'or, c'est abordable quand même. Enfin, pour après, faut se payer la monture volante, tu vas me dire. Mais oui. Mais puis faut voir, ta compétence, elle permet de voler tout court ou voler juste en Azeroth et Kalimdor? Bah oui, permet de voler. Enfin, en Azeroth. Ah ouais, donc avec prochaine news, on a la nouvelle forme de druide pour les trolls et les worgen qui a été montrée en fait avec la bêta. Bon, je donne mon petit avis juste en passant, après je vous laisse parler. Je trouve celle des trolls juste horrible et celle des worgen un tout petit peu mieux, sauf celle de l'ours, voilà, qui a juste des chicots vraiment mal faits. On a l'impression de revoir la première forme d'ours des tauren, ce qui est dommage. Mais sinon, je suis un peu déçu, franchement. Moi qui voulais passer mon tauren druide en troll druide, ben, ce sera pas pour maintenant. Voilà. Ben, pour mon petit avis vite fait, je vais pas le donner très long. Pour les trolls, en fait, moi c'est le contraire. Je trouve que les trolls, ça fait cool. Ça fait un peu des ours punk, c'est marrant et tout. Ils ont une bonne gueule avec des peintures. Ouais, c'est trop flashy. C'est vraiment. C'est flashy, mais bon, ouais, c'est lié un peu au côté. Voilà, oui, c'est le côté punk des trolls, c'est leur crème de tout. Voilà. Oui, mais les couleurs voyantes et les os. Dans le genre camouflage, fallait faire un peu mieux quand même. Ouais, carrément, parce que là, j'ai les yeux, un truc gris avec des cheveux tout jaunes. C'est vrai que. Bah, c'est les trolls en même temps, les trolls. Oui, non, moi ça me plaît, mais c'est vrai que je comprends qu'on puisse ne pas aimer, quoi. A contrario, moi je trouve que les formes pour les. Enfin, c'est dur de se dire qu'un worgen en ours, quoi. Ouais, un loup qui se transforme en ours, voilà la blague un petit peu. Alors, ouais, soit ils auraient dû. Ça change pas mal, mais regarde les félins, quoi. On dirait un loup. C'est un autre loup, quoi. Bah, ils auraient dû faire un loup carrément. Puis là, on dirait un espèce de lion avec qui serait cogné contre le mur, en fait. Donc, voilà, je sais pas. C'est vrai que bon. Que c'est un peu dur parce que ça part de loup, donc pour se transformer en félin, donc ce qui a rien à voir puisque le loup c'est un canidé qui se transforme en félin, bon c'est dur, mais bon voilà, c'est les nouvelles formes, tant pis pour les druides, ils choisiront avant de le faire si ça leur plaît ou pas. Après souvent au début on s'y intéresse, après on fait plus vraiment gaffe, c'est selon les goûts de chacun. Faut quand même les aimer parce qu'en druide on est rarement sous sa forme humanoïde quand même. C'est ça qui est dommage en fait. C'est ça, parce que tu vas devoir te taper, moi qui suis druide tant que si je veux passer en dwargen ou en troll, je vais être obligé de me taper les formes de merde, quoi. En prochaine news, vous avez peut-être remarqué le petit Blizzard Unloader qui s'est activé depuis quelques jours. Il y a eu premièrement le démarrage du téléchargement du patch 4.0.1, si je me trompe pas, qui est en pré téléchargement, qui avait commencé à 1 giga 70, quelque chose comme ça. Entre temps, on nous annonçait que, je ne sais pas si c'est entre-temps ou si c'est après, que les PTR, donc les royaumes de test publics, ont été ouverts pour ce patch 4.0.1. Donc, comme on connaît tous, c'est un peu le patch qui est arrivé, le pré-patch avant l'extension qui arrive. Et on a pu voir que la taille a juste triplé, que c'est passé de 1,70 Go quelque chose à 4,70 Go, ce qui fait un sacré pompage. Moi, je pompe tous les jours et je n'en suis qu'à 50%. Il y a eu notamment aussi une petite mise à jour du Blizzard Unloader. Je pense que ce sera pour le patch avant la tempête, comme il y avait eu avant BC et avant Walk. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ce sera prêt quand, ce patch? Faut juste espérer que ça prenne pas autant de temps que pour Glamerigan, quoi. Mais bon, vu que Qatar risque de sortir relativement tôt, je dirais. Enfin, bon, c'est savoir, mais bon, à mon avis, le PTR, ouais, d'ici 3 semaines, 1 mois, c'est live, quoi. Que si on compte que la BlizzCon, c'est dans 1 mois à peu près. Certainement, ce serait bête de leur part de ne pas le faire. Ils vont annoncer la date peut-être de sortie de Cataclysm, voire faire passer la vidéo d'intro, ce que j'aimerais bien et ce qu'on attend, je pense, tous avec impatience. Ce qui laisse souvent que quand ils annoncent une date de sortie, c'est à peu près quoi, un mois et demi à tout péter. Moi, à mon avis, ce sera pour fin novembre. Moi, je verrai début décembre. Donc, ça laisse quand même le temps au PTR. De faire quoi, 2-3 semaines, ouais, à tout péter, puis qu'après sera au patch avant la tempête, quoi. À mon avis, ils peuvent pas se permettre de louper, enfin de passer outre les fêtes de Noël. C'est soit, à mon avis, tu peux compter, c'est entre là maintenant, bon, parce qu'on va pas le voir sortir demain, mais bon, disons, entre la BlizzCon et les fêtes de Noël, quoi. S'ils peuvent pas passer en janvier, c'est pas possible. Ah non, je pense la boîte bizarre, c'est à l'aise, je pense qu'ils passeront pas à côté des fêtes de Noël quand même, quoi. Bah, il y a ça, soit ils feront comme Wrath of the Lich King et ils le sortiront, soit ils feront comme BC et BC était sorti en février, je crois. Février, voilà. Ouais, février. Ça se peut aussi, hein. Après, comme ils font toujours, je préfère attendre un peu plus et que le truc soit bien. Donc voilà, bon, ça, on va pas se relancer trop dans les pronostics. Ouais. Mais voilà, on a un gros patch à télécharger, ça promet quand même par rapport. Sinon, je donne quelques petites infos sur ce patch quand même. Bah vas-y seulement. Ce qui s'y passe. Voilà. Donc, il y a eu des news sur ce qui se passe dedans. Donc, c'est l'intégration des événements pré-cataclysme en mettant en scène en fait, que les citoyens sont de plus en plus inquiets parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas bien. Et on a voit l'apparition des émissaires du cercle terrestre qui vous envoient un peu partout. Pour détruire les élémentaires qui sont en train d'apparaître un peu partout en Azeroth. Voilà, pour commencer à limiter la casse, quoi. Ouais, donc Cercle de la Terre, je présume, hein, Cercle de la Terre, Neltharion, Dragon de la Terre, Gardien de la Terre, je pense que ça vient un peu de là, hein. Et ouais. Ben voilà, quelque chose, vous avez un peu vu, regardez, vous êtes allé déjà sur les PTR ou pas? J'avoue que j'ai essayé d'y aller, mais que j'ai pas pu copier mon personnage, et puis après... Copie de personnage, je suis un peu surchargé en ce moment. D'accord. Donc là, on va parler tous ensemble des nouvelles montures donc, qui nous ont été présentées. Justement, je vais faire un tir groupé. Donc il y a la nouvelle monture des gobelins qui est une superbe carte. La monture de Guild côté Alliance, j'ai vu la première, elle a été changée ensuite. Et. L'annonce en fait que les Worgen n'auront pas de monture raciale, mais une compétence d'autoporé. Voilà. Enfin, il y a plusieurs montures qui ont été présentées, notamment un Raptor squelette. Alors, ça, je sais pas. C'est d'une mocheté, c'est franchement. Ouais. Voilà. Enfin, je veux pas. Il y a le retour des scarabées d'Ankirage. Enfin, c'est une monture d'archéologie apparemment. Lié à l'archéologie, on a un nouveau Drake, on a les montures de guild quoi qui ont été présentées, enfin voilà quoi, tout team. Alors en gros, pour revenir sur la compétence raciale avant de faire parler des autres, des Worgen, ouais, c'est peut-être que voilà, ils n'avaient rien d'autre à faire, ils savaient pas quoi faire. Non, voilà. J'ai vu l'animation, c'est juste horrible. En gros, vous pourrez très vite, comme un espèce de mort de faim. Mais comment tuer une race en 2 secondes, quoi? Déjà la démarche qui est pourrie, mais en plus ça, tu rajoutes ça, ils auraient pu faire une animation, je sais pas, le mettre à 4 pattes, comme les Worgen PNJ, tu vois. Les mobs. Ah oui, par donc exemple. En fait, il y aura carrément pas de monture, c'est juste qu'ils vont courir très très vite. Voilà. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais, bah non, mais c'est... Ah ouais, c'est un peu limité là quand même. Ouais, bah le problème en fait, c'est une seule chose, c'est que souvent, je parle vite une petite parenthèse, c'est qu'avant quand on voyait quelqu'un sur une monture, c'était, on va dire pratique, par rapport au niveau du PVP, quand on voulait l'attaquer, on pouvait juger s'il était sur une monture ou pas, pour le stun et éviter qu'il réponde, parce que quand on est sur une monture, il y a certaines choses qu'on peut pas faire directement, par exemple, il faut d'abord descendre la monture, on n'a pas forcément le pet invoqué ou quoi. Et là, ben, le problème, c'est que les Worgen, on ne saura pas forcément s'ils sont sur une monture ou pas. Donc, si on veut l'attaquer et que le mec, en fait, ben, il peut courir à 100 à l'heure et puis que nous, ben, on est comme un imbécile par terre, ben, voilà. Tu as quand même un temps de... Enfin, t'as un temps de cast quand même. Oui, non, mais je veux dire... Monture, ce qui est un peu con, d'ailleurs. Le mec peut être sur sa monture à l'arrêt et on peut pas le savoir. C'est ça, le seul problème. Enfin, on peut pas vraiment le voir. On voit qu'il est un peu penché en avant, mais bon. Ouais, je pense qu'ils vont quand même se débrouiller pour que ça se voit, parce que... Bah, pour des raisons de PVP, quoi, ça va être le bordel. Quoi. Ouais. On peut espérer qu'ils n'aient pas encore finalisé le truc et que ce soit juste. C'est qu'une bêta encore. Ouais. Voilà. Donc voilà, ben pour le Worgen, hein, on verra bien. On verra bien. Je testerai là en jeu. Je pense que vous ferez pareil. Il y a, enfin, vous me dites si vous avez un avis à donner, hein, parce que sinon je me lance tout seul. Hein. J'avais vu le Drake là, le Drake volant. Enfin, ouais, de toute façon, c'est volant, Drake. Alors, celui-là, par contre, hormis les couleurs qui font un peu bizarre, il a l'air d'être franchement chambé, hein, avec les ailes en haut, comme ça et tout. Ça a l'air d'être assez. Ouais, ils ont pas encore fait l'animation, par contre. Ils ont pas fait. Enfin, sur la bête. Ouais. L'animation, là, t'as juste, en fait, quand tu le fais voler, ben, c'est. Il marche en l'air, quoi. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, faudra voir. Peut-être qu'il aura une certaine façon de voler un peu différente, enfin, j'espère. Ouais. Ça, c'est prometteur. Il y avait quoi comme autre monture On a eu le moche squelette raptor, enfin raptor squelette. On a eu le scarabée lié à l'archéologie. Ah, ça c'est... C'est le scarabée typique d'Ankirage, en fait. C'est le même, ouais, en bleu. Mais alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourra utiliser, normalement, oui, je crois, les scarabées qu'on a de Ankirage en dehors d'Ankirage. Je crois que oui, cette fois. Sinon, bah, il y a les montures de guild qui sont bien... La monture de guild de l'Alliance, elle est chambée quand même. Le lion, là. Franchement. Le lion, là. Ouais, je suis pas fan. J'ai pas vu celle de la Horde, c'est quoi? J'aime bien. J'ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu la monture... ce qui me semble être la monture paladin des Tauren. Si vous faites un tour dans Orgrimmar, vous cherchez un peu, à mon avis, vous allez tomber dessus. Moi, je pense que c'est ça. Après, savoir si c'est celle-ci qu'ils vont utiliser... Après, j'en sais rien, mais ça, c'est pas mal. Franchement, elle est jolie. Si certains veulent l'avoir, je ferai un screenshot et je le mettrai sur le forum. Puis, c'est un codo avec, genre avec des plumes. Des plumes, pas, avec des... Non, mais je sais pas comment expliquer. C'est un peu. Ça, avec un codo qui vole. Un codo tauren. Ouais, un codo qui vole, un codo tauren. Mais non, c'est avec des décorations américaines, enfin nord-américaines, indiennes. C'est bien, bien sympa. D'accord. Tribal dans ce sens-là, quoi. Ok, ben des remarques sur les montures. Je vois qu'AD est revenu, si je me trompe pas. Salut AD. Re. Et ben voilà, on a de nouveau quelqu'un en plus pour compléter ces news. Ben AD, puisque tu débarques, les nouvelles montures là annoncées pour Cataclysme, qu'est-ce que tu en penses? Alors j'en ai vu quelques-unes, hein, sur les vidéos qui circulent sur le net. Hein, le lion, hein, pour l'Alliance, est quand même magnifique. Il y a, moi je le trouve magnifique. ce qui est monture, tout le monde n'a pas la chance d'avoir bon goût. Ce qui est monture, il est monture de l'archéologie qui sont assez fun. Un petit char utilisable en dehors, à part le char noir qui était possible. Et a priori, ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a une monture qui va être disponible pour les alchimistes. En fait, on va se transformer en Drake, si j'ai bien tout suivi, qui a l'air assez sympa, qui pourra avoir une personne, transporter une personne. Ah, d'accord. Donc, dans l'ensemble, assez satisfait, à part ce qui est actuellement la forme du Worgen de course, on va dire, qui est sur les vidéos actuelles. Bon, je pense que c'est pas finalisé, donc ça sera à concrétiser, mais c'est vrai qu'actuellement c'est pas terrible, quoi. Alors, on passe sur une news qui est assez importante, bah bien, même très importante, puisqu'on sait que à Cataclysme, il y aura vraiment, pas dire le retour en force, mais le JCJ va reprendre de l'importance à presque tous les niveaux. Et on sait qu'il y aura, on savait déjà qu'il y aurait des champs de bataille cotés. Donc on aurait des cotes comme en arène au niveau des champs de bataille. Et donc ils ont finalement fait l'annonce comme quoi on obtiendrait aussi donc des grades. Donc le grand retour des grades, des 14 rangs PVP sur les champs de bataille. Pour information, donc ce seront les mêmes grades qu'il y avait avant. Pour ceux qui voulaient savoir un petit peu comment ça s'obtenait, je crois que dans l'épisode 5, j'ai fait une chronique là-dessus. Vous pouvez la réécouter. Et en fait, bah voilà, ce qui me tracasse un petit peu, c'est la difficulté. Alors, il y en a qui disent que ce sera dur à les obtenir. Moi, j'ai un peu peur, parce qu'à l'heure actuelle, le PVP, c'est tellement plus facile de gagner des points d'honneur que je me dis, bon, bah, voilà. Pour petit souvenir, faire le 14e grade, ça prenait des mois, il fallait jouer 20 heures sur 24, bon, ce qui était peut-être un peu trop quand même. Il y aura des cotes qui seront et des accès aux équipements qui seront liés au grade, un petit peu comme avant, sauf que ce sera de l'équipement qui sera, on va dire, en adéquation avec l'équipement qu'on a en arène, c'est-à-dire que ce sera un petit peu pareil. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, qui fait du PVP parmi vous? Mais moi, ça me fait un peu peur parce qu'il y a quand même ce truc de l'ancienneté au niveau des grades. On reconnaissait quelqu'un qui avait quand même fait pas mal de PVP à WoW Vanilla. Et là, bah, ce sera le retour des grades. C'est-à-dire j'ai un peu peur que quelqu'un, par exemple, atteigne mon beau rang 13 en 3 semaines. Ça me fait un peu peur. Bah, je pense qu'ils vont pas faire... Enfin, ils vont peut-être donner des anciens titres ou effectivement ceux qu'on réussit à l'époque, à la funeste époque où fallait passer des... Ouais, effectivement... Les gens faisaient même, enfin, ils échangeaient leur place pour continuer à PVP non-stop. J'avoue, je l'ai fait pendant 2 semaines, c'est pas bien. Mais bon. C'est, enfin, c'était trop. Enfin, je suis d'accord qu'il faut un peu de difficulté dans le jeu. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai que c'était trop. C'était plus ardu, quoi. Mais là, enfin, c'était trop dans le sens où fallait faire ça non-stop, quoi. J'espère que ça sera pas le cas, quoi. C'est tout. Ouais, mais maintenant justement, il y a quand même un côté, même si on n'est pas forcément au rang 14 et qu'on n'a pas joué 24 heures sur 24, justement, il y a quand même le fait d'avoir beaucoup joué et quand même bien, parce que s'il fallait jouer bien pour être dans une team et sans team, on n'arrivait pas au rang 14, par exemple, hein, même au rang 12-13, c'était très difficile, comme je l'ai expliqué à l'épisode 5. Alors en fait, ça va se passer en guillemets comme ça, hein. Je veux dire, il y aura des cotes jusqu'à 2400. Enfin, jusqu'à 2400, ce sera la cote maximale. À partir de là, pour aller même jusqu'à 3000 si vous voulez, mais vous aurez accès à tout. Il y aura donc les titres obtenus qui seront les mêmes qu'avant. Ils seront pas perdus à chaque nouvelle saison. Contrairement aux anciens titres qu'il y avait lors des arènes, vous les garderez définitivement. Et il y aura des titres spéciaux pour les, on va dire, le VIP du Jet Set des PVPistes, en fait, qui sera héros de l'Alliance ou héros de la Horde quand on sera dans le carré des meilleurs joueurs des champs de bataille. Ces titres, par contre, ceux-là seront supprimés à la fin, au début de la saison suivante, mais il y aura un haut fait lié à ça. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sauf que ben j'espère que ce sera quand même pas non plus trop facile. Peut-être pas au niveau du temps de jeu en lui-même, mais peut-être au niveau de la durée. C'est-à-dire que faut pas, si on joue beaucoup, avoir en 3 semaines le rang 10, rang 14, je pense que ce sera un petit peu facile quand même. Donc voilà. Donc donc après cette page PVP pour faire plusieurs circles, on va parler un peu de choses sérieuses. Voilà. Ankirage, donc on a les infos par rapport à deux zones. Ankirage qui a été remis au goût du jour, et plus particulièrement AQ20 qui va passer en une instance AQ10, et Zul'Guro qui ne sera plus une instance mais une zone qu'on pourra explorer. Après, j'ai pas d'infos, je me souviens pas, j'ai pas bien lu, est-ce qu'il y aurait encore les boss dedans, est-ce qu'il y aura pas les boss? Alors à l'heure actuelle, il n'y a pas les boss, il n'y a pas de mob. Ouais, c'est vide. C'est vide de chez vide. Donc peut-être. Je pense qu'il y aura peut-être des quêtes. Je pense peut-être des quêtes parce que pour les peut-être des quêtes de leveling, ce serait bien en fait qu'ils rajoutent entre guillemets, qu'ils étoffent la zone. Ouais, ça serait sympa. La zone elle-même qui est déjà très étoffée au niveau de Stranglehold, mais ça pourrait être une très grosse zone de leveling. Voilà. Donc à mon avis, c'est le début de la grande réforme des instances qui sont un peu laissées à l'abandon. Ouais. Donc bon, on a vu Mortemine et Ombrecrow qui passent en héroïque pour remettre ça un peu au goût du jour. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec le reste, hein, parce que faudrait quand même pas supprimer des instances. C'est un peu con. Puis du coup, il faut se grouiller pour le tigre Zulien, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Aussi. Ah bah tiens. Va falloir farmer comme des porcs. Je crois que je vais y aller vite fait après l'enregistrement. Raptor Razachi aussi. Oui. Qui est la monture qu'on a sur les pré-buildés depuis... ouais. Sur les personnages qu'on copie sur les PR, ouais. Etc. Ouais, et Roxraptor. Donc voilà, pas grand-chose de plus, parce que pour l'instant, les zones sont pas finies, enfin, ont pas été remodelées complètement. Donc, on a parlé Ghostcrawler a présenté sur les forums US un peu de ce qui allait être le nouvel artisanat de Cataclysme, c'est-à-dire l'archéologie. Il nous a montré un peu son fonctionnement. Donc apparemment, ça se base sur des sites de fouilles, des fragments. Bon, moi, je vous invite à lire tous les dossiers que vous pouvez trouver sur le net, sachant que c'est un truc auquel je me suis pas vraiment véritablement intéressé. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse le plus dans Cataclysme. Et là, rentre en scène les gars de OMP parce que ouais. C'est certainement plus indiqué que toi et moi. Alors, sur la bêta, comment ça se passe? C'est effectivement sur la carte, quand tu vois en global, t'as des petites pelles. c'est comme ça. Hein. Ensuite, quand on clique sur la carte et qu'on voit la carte en grand, il y a des zones en rouge. Et après, dans ces zones en rouge, en fait, on clique sur un icône et en fait, ça pose par terre une espèce de, comment dire, de longue vue qui se dirige vers, là où on doit aller creuser, en fait. Donc, je sais pas si je suis clair. Donc, en fait, et quand on pose la longue vue, après on se dirige vers là où ça pointe, et après, comme ça, au fur et à mesure, on arrive à déterminer où est la relique pour l'archéologie, et comme ça, après, on peut le looter et gagner un petit point d'archéologie. Voilà, et c'est comme ça qu'on monte le métier. Ouais, c'est très, très très très long. Ouais, et la format, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Non, en clair, ça va être encore plus chiant que la pêche, quoi. En gros, je serais pas archéologue, quoi. Non, mais je pense que franchement, ça peut être intéressant pour les gens qui aiment bien explorer tout ce genre de choses, parce que il y a des gars qui aiment bien marcher, explorer, voler dans tous les coins, aller explorer des zones. Il y a bien des gens qui ont trouvé des bugs ou des machins pas possibles à trouver. Je pense que ces gens-là, ça peut leur perdre, parce que visiblement, ça a l'air, comme tu dis, vachement long. D'ailleurs, d'aller à un endroit, ensuite à un autre, trouver machin, y en a peut-être qui aiment ça, ça peut te donner une nouvelle dimension pour certains joueurs. Je pense que... Ça donnera peut-être un coup de fouet au background de World of Warcraft, qui quand même est en train de se perdre doucement, j'ai l'impression. Ouais, enfin bon, c'est pour dire, ce sera comme une quête pas sans fin, mais une grosse suite de quêtes pour ceux qui aiment ce genre de choses, quoi. C'est pareil, il y a les hauts faits d'explorateurs, etc. Donc c'est exactement la même lignée. Hein. Ce serait peut-être un bon plan de faire les deux en même temps, explorateur et archéologie. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et on attend combien de temps pour avoir une guilde de noms explorateurs et archéologues en même temps? À mon avis, ça va pas faire long. Ouais. On va avoir les super explorateurs de la mort du bidet avec des poids-poils, et puis ça va être super. Il y a également des belles récompenses avec l'archéologie qui peuvent être intéressantes. Hein. Il y a des familiers, il y a des montures, il y a des pièces liées au compte. Hein. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Ouais. Ça va pousser le joueur à le tester quand même. Ils vont faire quand même en sorte que le talent, le métier soit attractif, oui, parce que sinon, s'il suffit juste d'aller... C'est comme la pêche, c'est pas la peine, quoi. Donc là, on va passer à encore une news. Donc Blizzard nous a, sur les forums US, encore posté un message pour nous présenter les conditions pour effectuer les hauts faits de guildes. Il y a pour je vais faire le listing par exemple, ça sera encore mieux pour nos auditeurs. Pour un donjon à 5, il faudra 4 joueurs de la même guilde pour obtenir le haut fait de guilde. Pour les raids à 10 joueurs ou les champs de bataille à 10 joueurs, il sera 8 joueurs de la même guilde. Pour les raids à 25 ou les champs de bataille à 25, ce sera 20 joueurs. Pour les raids à 40, il sera requis 10 joueurs. Et enfin, les champs de bataille à 15 joueurs, il sera requis 12 joueurs de la même guilde. avec un petit bémol pour les hauts faits en arène, ce sera que des équipes complètes de guildes qui pourront effectuer les hauts faits de guildes. Voilà. Donc ils veulent avoir au moins 80% du groupe composé des membres de la guilde pour effectuer ces hauts faits. Donc va falloir travailler la cohésion du groupe. Hein. Bah, c'est bien. Éviter le pick-up. Quoi. Alors j'ai discuté avec un pote cet après-midi de ça justement. Il y a un bémol et un dièse. Hein. En fait, le plus sera que justement ça amènera les gens à faire ce qu'ils peuvent tout à fait faire, c'est-à-dire s'organiser en guilde, même si on n'est pas beaucoup dans une guilde, pour faire des groupes de guildes, pas qu'il y ait des mecs qui se barrent dans leur coin, etc. De se dire, si on veut le haut fait et tout, il faut bosser ensemble. D'un autre côté, ça risque aussi d'amener le problème qui voulait enlever un petit peu en supprimant pas mal de choses au niveau des guildes. Ce sera quand même le fait, les grosses guildes. Les gens, ils vont vouloir postuler tous dans les grosses guildes, ce qui se fait déjà beaucoup trop maintenant. On va dire, entre guillemets, le capitalisme des guildes en haut, ce sera, il faut aller dans la grosse guilde, dans la grosse entreprise, pour être sûr d'avoir les hauts faits ou quoi. Et donc les pauvres petites guildes, vu que ces hauts faits se feront dans les donjons, ils n'auront plus personne pour faire leurs donjons. Et ce sera moisi, puisqu'en plus il faudra absolument que ce soit une majorité de guildes qui participent. Ça deviendra d'autant plus dur pour les petites guildes. Voilà, ça c'est mon avis perso, mais bon. Moi je fais partie d'une petite guilde, hein, et je pense que justement c'est le genre de choses que nous on voudra faire ensemble en fait. Enfin, je sais pas, enfin... Après, effectivement, du coup, le recrutement, etc. Enfin, on a déjà des difficultés. Ça va peut-être pas améliorer les choses, mais enfin, il y a aussi le challenge pour les petites guildes. Ça sera peut-être pas finalement un challenge pour les grosses guildes, parce que effectivement, ils seront 15 milliards et ça se fera tout seul, quoi. Par contre, pour les petites guildes, c'est le genre de choses qu'on ira peut-être. Je sais pas. Et donc voilà, espérons que les guildes seront soudées, les petites guildes resteront soudées, parce que ayant fait pas mal de guildes, et tu as été officier dans certaines, il y a vraiment des gens qui se barrent tout le temps parce qu'ils croient que l'herbe est plus verte ailleurs, et pour finir ils reviennent. Et là le problème, il y aura des gens qui vont venir pour faire un HF avec vous, qui vont se barrer ensuite pour aller faire un HF avec une guilde qui l'assurera. Oui et non. Alors, est-ce qu'on perd le HF ou est-ce qu'on perd peut-être les accès à certains plans, à certaines choses liées à la guilde quand on se barre, j'espère. Comme ça, ça force pas les moi, gens. Ça me semble que ça avait été annoncé. Voilà, hein, justement. Les genre la monture de guilde, les tabards de guilde, enfin les trucs comme ça, ça sera tout sera supprimé. Les objets d'héritage, tout ça. Ouais. Voilà. Alors, espérons. En fait, par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on les conservera un court temps. Ouais. Voilà, de manière à ce que si jamais il y a une erreur, je crois que tout le monde a déjà vu la blague slash j'ai quitté et slash j'ai quoi de sont sur un bateau. Ouais. Donc on conservera donc les objets de guilde un certain temps et puis après ils s'en iront. Je connais pas le délai, mais voilà. D'un côté aussi, c'est vrai que j'espère qu'il y aura une cohésion entre les grosses et les petites guildes, c'est tout par rapport à ça. Après le reste, qui vivra verra. Ouais. Et puis ben. Ouais, je pense qu'il faudra voir, hein, parce que c'est plein de petits trucs à changer, à modifier en cours de route. Là, je pense que sur la bêta, ils peuvent pas savoir ça. Enfin. Techniquement, ça touche complètement l'économie des guildes. Enfin, l'économie, j'entends le fait des recrutements de guildes. Enfin, moi, je le sens parce que. Ah, je sens que ça va se passer, comme disait Circle, ça va finir avec les grosses guildes qui vont être submergées de demandes, comme elles le sont déjà. Puis les petites, comme moi j'avais avant avec Anachronique par exemple, ou comme Edonis a parlé, on va encore avoir plus de mal à recruter, quoi. Ça va être, parce que les gens vont vouloir un minimum de personnes présentes, va falloir montrer patte blanche pour rentrer dans une guilde, dire je serai présent à telle date, ça va être encore pire qu'avant. Quoique les récompenses seront au rendez-vous, je l'espère, quoi. On verra bien, et je pense qu'il faut que les gens donnent un peu de même, mais je pense que c'est toujours au début. Au début, ça penche, ça vacille, ça tangue, et puis ça finit toujours par se tasser. Espérons que ce sera pareil et puis que les gens comprendront que c'est pas forcément en allant voir si l'herbe est plus verte ailleurs que ça résout le problème de l'avancée personnelle, quoi. Enfin, voilà. Ben c'est tout pour ces news là. Ensuite, ben ce qui est arrivé très récemment, ça a été la vidéo d'intro des gobelins en français. Alors, ben vidéo classique, vous pouvez la voir si vous cherchez sur YouTube ou sur Judge Heap ou je pense sur Monde Persistant, non? Oui. Et non. Eh ben bravo. Dommage. Non, ben, au moment où le podcast sortira, vous l'aurez mise. Hein. Peut-être. Et donc voilà, ben, c'est en fait la vidéo d'intro, la seule qui manquait par rapport à toutes les autres nouvelles vidéos d'intro des races. Ben en gros, on voit la description des gobelins. On voit leur très belle cité et franchement, c'est une ultra réussite à mon avis. Ça définit bien les gobelins ingénieux, tout ça, et un peu exotique quand même dans l'âme. Il y a quand même pas mal de trucs, pas mal, si, vu que vous pouvez voler. Si vous regardez la cité de haut, ben, vous avez des trucs assez impressionnants à voir. On vous laissera voir si vous y avez accès. Et puis c'est tout, sinon ça reste une vidéo d'intro classique en soi, quoi. Pas vraiment. Mais plus vous, de... Vous appréciez, enfin vous aimez bien les gobelins, enfin l'aspect justement technologique, etc. Parce que enfin, je sais qu'il y a certains qui aiment pas ce côté-là, ouais. Parce que ça dénature un peu le côté fantasy. Moi techniquement c'est mon rebut. Enfin les gobelins en eux-mêmes j'aime bien leur histoire, enfin je trouve ça trippant quoi. Mais à trop pousser dans ce délire-là à la fin ça. C'est pas au même niveau comme on avait eu les Draenei qui sortent de l'espace, genre Stargate, oui, quand tu même. Vois, oui. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais, les Draenei qui sortent de l'espace, c'est quand même une partie du background de WoW. Ouais, mais là, ouais, ça, les gobelins, tu vois, il y a beaucoup de monde qui voit WoW comme un univers médiéval fantastique classique. Pourtant, les gobelins et leur technologie ont toujours été là depuis les débuts ouais, de ouais. Bien sûr. Warcraft. Mais ouais, même avant. Ils ont fait un gros trip quand même. Ah ouais, mais ils ont poussé la race à fond dans le délire. En même temps, c'est de nouveau personnel, mais si on revoit toujours les mêmes gobelins qui sont. En fait, déjà, faut pas qu'ils ressemblent aux gnomes parce que voilà, les gnomes, c'est le côté classique, c'est le côté ingénieux, classique. C'est déjà des pollueurs en eux-mêmes, je veux dire, avec leurs machines. Mais ça reste. Très classique, ça reste voué à l'alliance, ça se voit, ça reste en guillemets comme des petits humains qui seraient intelligents, quoi. Voilà, façon de parler. Les gobelins, c'est vrai que de toute façon, dans beaucoup de récits et tout, les gobelins sont les petits intelligents, les petits malins. Les fourbes. Voilà, mais fourbes justement. Et en fait, de toute façon, depuis le début de WoW, comme on voit, les gobelins, c'est le côté exotique, c'est les gnomes exotiques. Donc le côté exotique, qu'il soit lâché, c'est vrai que ça peut en rebuter certains, je peux comprendre. Ouais, parce que ça a pas allé loin. Enfin, parce que moi quand je regarde la vidéo, bon, après vous me direz ce que vous en pensez. Ceux peut-être qui connaissent Trackmania, j'ai l'impression de voir un circuit de Trackmania en fait. Oui. C'est-à-dire avec des routes qui partent dans tous les sens. Enfin, je veux bien que ça soit qu'ils se tapent un délire, tu vois, sur le coup. Voilà quoi. Moi, je sais pas, j'aime bien l'aspect des gobelins comme il y a à Gadgetzan ou à B du Butin. Enfin, quoi qu'il y a B du Butin, c'est un ambiance pirate, tu vas me dire. C'est un peu différent. Mais Gadgetzan, c'est vraiment. C'est un peu dans ce style-là ingénieux, exotique, mais pas dans le sens. Mais là, ça part. Enfin. Personnellement, je trouve que c'est un peu parti loin. Bon, après, j'ai pas encore testé personnellement la zone des départs. Je me la garde juste pour la sortie. Bah, moi, okay, je dis. Très rock'n'roll. Voilà, je veux dire, sans vouloir faire du spoil, c'est. Voilà, comme, pour en dire un mot, là, okay. C'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll. Non, c'est franchement. Ok, on pourra dire. Personnellement, de nouveau, je trouve que ça change un petit peu. Ça enlève le côté trop classique, peut-être. Moi, je posais la question, mais enfin. Effectivement, on perd ce côté entre guillemets heroic fantasy, le conte de fées avec les petits oiseaux, etc. Mais c'est très très fun quoi. Quand on est dedans, il y a plein de clins d'œil. Enfin, c'est moi je trouve ça super quoi. Après, c'est clair que on sort un petit peu du cadre classique oui. Heroic fantasy, etc. Après, ça reste le départ. Ça reste la zone de départ et quelques zones suivantes ou quelques zones passages. Après, t'as la charge, hein. Voilà, mais je veux dire, justement. En fait, Ouais, mais après, je veux dire, ce sera pas tout le temps. Quoi qu'on fasse, si on fait Gobelins, on rejoindra l'univers de base de WoW, qui est l'Heroic Fantasy assez marqué, classique et tout. Et en même temps, quitte à faire un personnage à l'heure actuelle, moi, qui est commencé Elfe de la Nuit, par exemple, je préférerais franchement faire les Gobelins. C'est coloré, c'est vivant, tu t'amuses. Alors que Elfe de la Nuit, avec trois panthères à tuer, machin, les sabres de machin, oui. Ça va évoluer. Ouais, aussi, voilà. On retire pas ça, qu'ils vont les changer aussi, les zones de départ. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont essayé de faire quelque chose de beaucoup plus attrayant, parce que le leveling de départ, souvent les gens le font seul, parce que tu découvres un peu tout seul ou quoi, et franchement, autant que tu t'amuses. Ils ont repris l'idée, techniquement, ils ont repris l'idée de ce qu'ils avaient fait pour la zone de départ du DK, enfin c'est ça, ils ont testé avec le DK, ils ont vu que ça a marché, maintenant ils vont essayer de refaire ça pour toutes les races, peut-être les prochaines classes héroïques s'il y en a, bon voilà quoi, c'est un système qui marche avec le phasing, parce que je suppose que le phasing est mis en place comme avec les Worgen, voilà, c'est un système qui fonctionne, ça te met dans l'ambiance, tu vois que le monde change, t'as l'impression de servir à quelque chose, pas comme une pauvre merde qui va te tuer 15 loups puis ramener deux peaux de lapin quoi, enfin. Ça apporte un dynamisme énorme surtout dans les zones de début qui d'habitude sont très très lentes, on tue 4 cochons, on revient buter 4 scorpions et puis voilà quoi. C'est... Ouais. Enfin bon, on verra bien et j'avoue avoir commencé chez les gobelins. Pour l'instant, je trouve ça super sympa. J'irai voir plus en profondeur, mais moi personnellement, ça me plaît. Après, c'est selon les goûts quoi. D'ailleurs, tiens un petit sondage parmi nos invités là. Vous avez fait les deux zones de départ, Worgen Goblin, ou juste une, juste deux, enfin aucune quasiment ou... Ah, j'ai fait le Worgen et j'avais commencé un peu les Goblins sans aller jusqu'au bout. Ouais, quel est votre préféré techniquement, enfin au niveau de l'ambiance, de la technique, enfin. Ouais. C'est difficile, hein. C'est les Worgen, personnellement, je pourrais pas dire. Parce que c'est totalement différent. C'est pas la même ambiance, parce que les gobelins, c'est complètement délirant, alors que les Worgen, tu vis quand même la destruction d'une cité. C'est dramatique. Les Worgen, c'est le côté vraiment dramatique du jeu en zone de départ. Il y a un côté beaucoup plus RP sur les Worgen, sur le départ, que sur les gobelins, on va dire. Ça nous rapporte l'histoire de Gilnias, quand même, qui est un gros point RP, quand même, qui était resté, c'est vrai, assez sans suite, sans avoir eu plus de précision. Et là, ça nous apporte quand même beaucoup plus de précision. Après, oui, le côté gobelin est super fun. C'est complètement original, c'est décalé. Ils ont voulu faire une intro décalée par rapport aux autres races. Il reste encore deux news en fait, j'en ai une à rajouter en fait, de dernière. Okay, fais celle des Worgen ? Donc on a eu la présentation, mise en avant des Worgen femelles, après notre superbe exclusivité mondiale qu'on avait eu, les sites de fans où on avait pu présenter les premières esquisses des Worgen femelles, là on a la vision finale des développeurs, et je dois dire, encore une fois, je vais faire mon pessimisme de merde, mais c'est moche. Voilà. Plus ça. Plus ça. Voilà, donc je pense que. Ouais, plus ça aussi. Tout le monde va me rejoindre. Alors, c'est vraiment. C'est qui a dit ça? C'est Ludo qui a dit que ça ressemblait à des junkies, sans vouloir être méchant. Je crois que c'est Ludo. Ah, je sais pas. Des junkies. Ouais, franchement. Il y a des junkies qui auraient vu un extraterrestre, quoi. Ouais. Au niveau des yeux, c'est vrai que ça fait très extraterrestre. Ouais. Je sais pas, je trouve que ça fait très ça fait très caniche d'à côté de chez moi, tu vois. Pas de ma voisine. Putain, parce c'est quoi caniche, caniche nucléaire? Ah ouais, c'est nucléaire. Hein. Caniche de Tchernobyl, ça fait. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre de mettre des cheveux longs à un loup. Enfin, je sais pas. C'est... Ça ressemble de plus à un loup. Le problème, c'est que les cheveux sont en arrière. Ouais. Ça fait crinière de lion à moitié. Premièrement. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont changé, si vous vous souvenez des premières images qu'on avait eues, c'est que les premières images, elles faisaient beaucoup plus féminines, moins méchantes, plus douces, si on regardait. Et franchement, je préférais. Et en fait, vu qu'ils ont changé les mâles, en fait, pour les faire, et là, c'était une réussite, par contre, pour les rendre plus agressifs, je pense qu'ils ont dû faire ça également avec les femelles. Et en fait, moi, encore une fois, personnellement, je pense qu'ils auraient dû garder l'ancien skin parce que bah, on peut très bien avoir des worgen mâles qui ont l'air agressifs et des worgen femelles qui peuvent être plus douces, comme par exemple les tauren qui ont une sale gueule, une corne pétée, et puis les tauren femelles qui ont l'air toujours vachement, qui ont l'air très douces malgré leur taille et leur imposante stature. Vous voyez? C'est des vraies vaches, quoi. C'est... Ouais, c'est des meux. Non, mais je veux dire, voilà, pourquoi ne... Enfin, personnellement, je préférais l'ancien skin, voilà. Les worgen mâles ont l'air effectivement très agressifs et très... Bah, ils ont l'air effectivement des loups-garous, quoi, des worgen. Les femelles, ça ressemble plus à des chats, en fait. Des chats apeurés. Un truc... Voilà, chats apeurés avec des grands yeux abrutis qui regardent dans le vide et une épée à la main aussi. Oui. Ça fait bizarre pour un chat, quand même. Ouais, c'est... Miaou, quoi. Ouais, elles font très très félines par rapport au mâle, quoi. Il y a un petit côté avatar, je trouve, dans leur tête, en fait. Avatar. Ouais, les yeux, ouais, les yeux trop. Un peu, ouais. Ouais. Bon, et sinon, je vais juste donner mon avis, puis essayer de vous faire réagir sur le bordel que c'est. Enfin, disons la personnalisation du personnage en forme de worgen et l'équivalent en forme humaine. Le bordel que c'est pour avoir un truc correct. Ouais, un truc correct dans les deux formes. Oui, voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est avoir un truc correct dans les deux formes pour éviter de taper pour un bolos, comme quand t'es en forme de druide, quoi. Pour éviter de passer pour un... Comme les druides, on va pas les voir souvent en forme humaine. Ouais. Voilà. Donc, moi, je voulais parler d'une dernière chose. On arrive gentiment au bout. Il y a eu un énorme easter egg qui a été fait par WoW, qui est disponible là. Sur les contreforts de Haute-Brande, les développeurs, ils ont créé un immense clin d'œil à Plants vs Zombies. Si les gens connaissent pas le jeu, bah, c'est que vous sortez pas vraiment le dimanche sur Internet. C'est con ce que je viens de dire. C'est un célèbre jeu, en fait, pour vite dire, en fait, qui consiste à utiliser des plantes, à planter des sortes de plantes dans son jardin pour empêcher les zombies d'arriver jusqu'à la ferme. C'est un PopCap, c'est un jeu de PopCap qui est assez célèbre, hein, qui est vraiment un des jeux les plus célèbres en Flash récemment. Et en fait, bah, ils l'ont refait dans WoW. Et vous pouvez voir la vidéo, on mettra les liens dans les notes de l'émission comme d'habitude, et elle est sur Jojib. Et franchement, bah, c'est bien sympa. C'est du tower defense pur et dur. Voilà, ouais, en fait, je cherchais le truc. Voilà. Ouais. C'est vraiment. C'est du tower defense. Voilà, defense. Du tower defense dans WoW. Voilà. Dans WoW, ouais. Avant, il y en avait. Avant, on avait ça dans Warcraft 3. Voilà. War 3. Maintenant, on a ça dans WoW. Voilà. Bientôt dans Starcraft 2, non? Possible. Oh, bah, certainement. Il y a déjà des styles Dota-like. Il y a déjà du tower defense dans les jeux. Certainement, oui. Pas mal, d'ailleurs. Certainement, à mon avis, j'ai pas encore testé, je suis plus dans les parties en normal. Si, c'est rigolo. Donc voilà, du côté des news habituelles sur les Twitter et Facebook de Warcraft FR, c'est un peu la course aux images de Cataclysme, aux screenshots, c'est la course aux petites infos et aux news de développement. On sent que ça se rapproche. Je pense qu'on va s'arrêter là. On remercie bien entendu nos chers amis de WMP d'être venus, d'avoir partagé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis ça sera avec grand plaisir qu'on fera avec Ludo un jour aussi, peut-être, et Amandine, bah oui, qui voulait pas nous voir là. Non, elle était timide, elle avait peur. ça va être ça. Donc voilà, on salue toute la communauté, hein, bien entendu. On rappelle WoW Monde Persistant. Donc tu nous donnes l'adresse de tête comme ça, ou on la met dans les notes de l'émission? WoW.mondepersistant, donc avec des S.com. D'accord. Donc, de tirer persistant ou monde persistant d'un coup? Non, collé. D'accord. Voilà, on vous invite à aller à notre communauté également sur leur site. On vous souhaite une bonne semaine, un bon mois, jusqu'au prochain épisode. On verra quand ça sort. Et voilà. Allez. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, les familles. Ciao.